سيكون عندنا إن شاء الله ابتداء من الغد لقاء مع ضيف جديد إن شاء الله. فالشيخ سعيد الكمالي لن أعرفه مرة أخرى، تعرفونه قبل أن يجلس على كرسي هذا الكرسي، وتعرفتم أقرب أكثر البارحة في الجلسة الممتعة الرائعة، فسأترككم معه إن شاء الله بجلسة أخرى. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الجلسة في ميزان الحسنات، وأن يجازي كل الإخوة ويجازي الشيخ على الصبر الذي تعانونه والذي نعانيه كلنا في هذا الجو الحار. الشيخ il va alterner comme hier, ça veut dire il parlera إن شاء الله en français et en arabe. فليتفضل. En arabe et en français. تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب الله لا يمل من ترداده ولا يمل من سماعه، وأنتم سمعتم قراءة الندية وددنا أن القارئ لم يسكت وأنني لم أجلس. هذه خاصية لكتاب الله، كل كلام مملول إلا كلام الله، هذا كالذي لا يمل وإن ردد وردد، كما قال الأول ولا يخلق على كثرة الرد، لا يبلى لا يصيبه القدم مع كثرة ما ردد على الأزمنة، فتجده دائما، تجد نفسك دائما مقبلة عليه، منتعشة معه، منفعلة بآياته. وأنت إذا قرأت ما قرأت من كلام البلغاء الفصحاء قد تهتز له أول مرة تسمعه، وبعد ذلك لا يفعل فيك مفعوله الذي فعله فيك أول مرة. هل نحتاج أن نتكلم بالفرنسية؟ Est-ce qu'il y en a qui ne comprennent pas l'arabe? C'est-à-dire que s'il n'y a pas beaucoup, si ce n'est pas le nombre, n'est pas conséquent, donc on peut se permettre de ne pas traduire. لا تنتهى. الغريب هو أن أرى وجوها ينبغي أن لا تفهم العربية فلا ترفع الأيدي، أحسب أنها تفهمها، ووجوه يظهر عليها فهم العربية فلا تفهمها. جديك كلام الله تعالى c'est un genre de parole que nous aimons toujours écouter, et pourtant nous écoutons, et pourtant tu n'en as jamais marre, tu as toujours cette envie d'écouter, de réécouter, et ça c'est une particularité à Kalam Allah Ta'ala. Nous avons écouté, vous savez, comment vous traduisez le Kalam? La parole? Là. Là. On va prêcher à vous. La parole, déjà la parole, c'est un singulier, le kalam, c'est un pluriel. Hein? Là. Les paroles, c'est le jumel. C'est le kalimat. C'est pas le kalam, c'est le kalimat. Les dires. Les dires, c'est le maqoulat. le langage ou le takallum. Les récits là, dans les récits là. Hein? Il faut que vous me disiez, je veux traduire le kalam. Hein? Les affirmations. Là, l'ithbatat. Pardon? Le sermon. Là, le sermon d'al-mu'aïda. Vous m'avez tout donné sauf le kalam. Vous savez, nous avons lu ce que nous a laissé beaucoup de gens qui étaient vraiment éloquents. Soit en arabe, Al-Jahir, Badi' al-Zamal, Hamadani, Al-Hariri. C'est vraiment de la littérature, mais vous savez, ça vous donne la chair de poule quand vous lisez. En français, je ne compare à personne, je ne compare personne à Victor Hugo. Je pense que c'était le prophète de la langue française, Victor Hugo. Quand bien même il y a, vous savez, c'est vrai que la langue française, c'est la langue de littérature par excellence parmi les langues européennes. L'arabe, c'est une autre histoire, nous en avons parlé hier. Mais quand vous lisez quelque chose, un texte de beau, cette sensation que vous ressentez, la première fois, vous ne la ressentez plus. Une deuxième, une troisième, dixième fois, ça, après ça. Mais le Coran, c'est une particularité. Ça fait combien de temps que vous lisez le Fatiha? Vous ne pouvez même pas compter le nombre de fois que vous avez lu ou entendu le Fatiha. Et pourtant, quand quelqu'un vient vous lire le Fatiha avec une voix, avec une tajwid, avec tada, c'est un émerveillement, comme si vous l'entendiez la première fois. Et pourtant, ce n'est pas la première fois. Et ça, c'est le Fatiha. Ça, c'est la particularité du Coran. C'est pour ça qu'Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit, quand il a décrit le Coran, la yakhlaqu ala kathrati ar-rad. Il ne vieillit jamais, même s'il est répété sans cesse. Jamais il ne vieillit. Le Coran, عنده قلنا له خاصية. الناس المسلمون الأوائل كان لهم شأن مع القرآن في شهر رمضان. أنتم تعرفون ليس في الناس من يجهل مالكا الإمام. إمام مالك هذا زمنه كله كان في الدرس. كل الزمن في الدرس. إما يقرأ عليه الموطأ، إما يسأل في الفقه، إما يعني الدرس، ما عنده شيء آخر إلا إذا دخل رمضان فإنه كان يفر من الدرس ويقول القرآن والفقه. الناس تسافر إليك من النواحي، أبغى يسمعوا العلم، أبغى يسمعوا العلم على الأيام. في رمضان إنما هو قراءة القرآن. الزهري رحمه الله هذا من شيوخ مالك، هذا من فحول العلماء في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحل من الفحول الكبار. ايش نقول لكم، المحيط الأطلسي والمحيط الهندي ديال الحفظ شيء كبير جدا. فكان إذا دخل رمضان وضع الصحف، لا يحدث أحدا ولا يجلس في حلقة أحد ولا يجلس إليه أحدا، ويقول إنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام. هذا هو رمضان، ما تعمروا بحديث، ما تعمروا بفقه، ما تعمروا بدروس، ما تعمروا بمواعيد، عمروا باش بالقرآن. وهذا لم يكن شأن الزهري فقط وشأن مالك فقط، هذا كان شأنهم جميعا. لماذا إذا دخل رمضان اجتهدوا في هذا في القرآن هذا الاجتهاد؟ Alors j'ai dit que le Coran avait cette particularité. Aussi, alors les salafs, ils avaient une tendance quand avec le Coran. Malik, rahimahullah, tout son temps était pour l'ilm. Tout son temps, 7 jours sur 7, pendant toute l'année, il n'y avait pas de mois de vacances, rien. C'était tout le temps l'ilm. Le muwatta, le fiqh, etc. Sauf quand arrivait Ramadan. Imam Malik, posait les livres, qu'est-ce qu'il faisait? Le Coran. Uniquement le Coran. Ce n'est pas le cas de l'imam Malik. Seulement, c'est, par exemple, il y avait son Zuhri. Zuhri, c'est Cheikh, l'imam Malik. C'est une éminence, c'est une sommité dans l'ilm, surtout dans l'ilm du hadith. Pas uniquement dans l'ilm du hadith. Vous savez, Zuhri, quelqu'un l'a décrit. Il a dit, si tu lui posais la question en ce qui concerne le Coran, le tafsir, tu pensais que c'était la science qui maîtrisait. Si tu lui posais la question sur l'adab et shi'r, sur la littérature, sur la poésie, sur l'histoire des Arabes, tu pensais que, de par sa réponse, c'était sa science à lui, c'était sa spécialité. Si tu lui posais la question dans le halal et le haram, ça c'était, il n'y avait pas de comparable à Zuhri. Zuhri, quand venait Ramadan, il fuyait les assises du ilm, il les fuyait. Il disait que Ramadan, ce n'est pas l'ilm, ce n'est pas le hadith, ce n'est pas le fiqh, c'est uniquement le Coran et le fait de donner à manger aux gens. C'est ça Ramadan. Et ça, ce n'est pas le cas uniquement de Zuhri et de Malik, c'était le cas de tout le monde à l'époque. Moi, je pose une question, pourquoi? Quand tu vois ce genre de comportement, cette transformation dans les coutumes des gens, quand arrive Ramadan, tu te poses la question, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils ont compris des choses que nous ne comprenons pas. Qu'est-ce qu'ils ont compris? Ils ont déjà vu Allah subhanahu wa ta'ala dire « Shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an » Le mois de Ramadan, Shahr Ramadan, dans lequel le Qur'an a été descendu. Moi, je vous savez, c'est une question qui mène vers une autre. C'est un, le processus de réflexion, de compréhension, c'est un processus. Quand les ménages ils travaillent, c'est une question te mène vers une autre et puis une te mène vers une autre et tu commences à comprendre. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a descendu le Coran pendant Ramadan? Pourquoi? Pourquoi pas pendant Shawwal, Muharram? C'est aussi un shahr haram. Pourquoi pendant Ramadan? Pourquoi? Shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, durant lequel le Coran a été descendu. Pourquoi Ramadan? Il y a une autre chose. Dans le hadith rapporté par Bukhari et Muslim, Ibn Abbas radiyallahu anhuma يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارزه القرآن وكان يلقاه كل ليلة من رمضان فيعارضه القرآن فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا حديث لا يفهمه كثير من الناس. ما معنى ما وجه المقارنة بين النبي صلى الله عليه وسلم والريح المرسلة؟ واش هذا أول مرة كتسمعوا هذا الحديث؟ وأنا تنسولكم أنتم ما قريتوا، ما معنى هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. الريح مرسلة بماذا؟ ها؟ بالمطر. نعم، ريح مرسلة بمطر. طيب، هذه الريح المرسلة بالمطر، عندما يجيء المطر بعدها، هل هذا المطر يفرق بين أرض وأرض؟ يقول مثلا المطر، أنا هذه أرض لا تحتاجني، هذه أرض سقوية، هذه أرض بور مساكن، هذو حافرين البير قاضين الغرض بحثهم، هذو مساكن ما عندهم فلوس نصب هنايا. المطر يقول هكذا. المطر لا يفرق بين أرض تحتاج وأرض لا تحتاج، أو أرض غني أو أرض فقير. كذلك كان عطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرق، يعم بعطائه ولا يخص. وهذا شأن الكرماء الكريم، ما يقولكش لا هذاك شحال تيشد 1000 أورو في الشهر، لا ما تعطيش هذاك، تيشد 200 أعطي غير هذاك. الكريم يعطي ولا يبالي، يعطي ولا يبالي. الله سبحانه وتعالى تيعطي غير الفقراء، تعطي الأغنياء كذلك. الكريم هذا الكريم سبحانه. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. متى كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ شوفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، هذه متى؟ في رمضان فقط، على الدوام صلى الله على رسول الله أجود الناس. جاءه مرة إنسان قال يا محمد أعطني، تدرون النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه؟ أعطاه غنما بين جبلين، ها جبل هذا جبل، هذا السفح بين الجبلين، كم عدد الأغنام التي تغطي هذا السفح بين الجبلين؟ شحال تتصور من راس خص يكون هذا القطيع؟ ألف؟ إيش من ألف؟ ألوف الأغنام راه بين جبلين. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم بحال اللي يعطي شي واحد فيكم 10 دراهم ولا 5 دراهم، ويمكن قاعد تفكر في 5 دراهم والنبي صلى الله عليه وسلم ما فكرش في غنم بين جبلين، هذاك التبهض. فأسلم بسبب ذلك، وقال لأورع إلى قومه فقال لهم جئتكم من عند رجل يعطيه عطاء من لا يخشى الفقر. ما يمكنش هذا، ما دايرش حساب الزمان. تعرفوا علاش ما دايرش؟ لأنه يؤمن بأن ربه الرزاق لا يتركه ولا يهمله ولا يخلف وعده، عطاء بين غنما بين جبلين. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الدوام. الآن في رمضان النبي صلى الله عليه وسلم كلام آخر، وكان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. ولماذا كانت هذا؟ لماذا كان يضاعف هذا الجود؟ حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. القرآن كان يثمر عند النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، وهو زيادة الجود. وكان جبريل يلقاه كل ليلة. علاش؟ أنا هذا سؤال عندي، لماذا يا جبريل تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ليلة؟ لماذا؟ علاش؟ لماذا ما ماشي في ربيع؟ النبي صلى الله عليه وسلم ولد في ربيع، يلقاه في ربيع، لماذا ما ليس في ربيع؟ لأن هذا الشهر إذا ذكر فإنما يذكر فيه الصيام ويذكر فيه القرآن. من أعطى هذا الشهر حقا دون حق فلم يفيه فقد طفف في الكيل. وقد قال مالك ويقال في كل شيء وفاء وتطفيف، مش غير في الميزان وفي البيع والشراء. عمر رضي الله عنه، وهذا في الموطأ، عمر رضي الله عنه لقي رجلا تأخر يوم الجمعة فقال عمر طففت؟ قال مالك ويقال في كل شيء وفاء وتطفيف. فرمضان من لم يفهم هذه المزاوجة بين القرآن والصيام فقد طفف. جي بوزي اون كيستيون، بوركوا الله سبحانه وتعالى شوازي رمضان بورك القرآن سوا ديسوندو دون رمضان؟ بوركوا رمضان؟ سي كوا لا بارتيكولاريتي دو رمضان؟ اوتر شوز دون الحديث رابورتي بار البخاري ومسلم، ابن عباس رضي الله عنهما ديكري لو بروفيت صلى الله عليه وسلم، il dit que le prophète صلى الله عليه وسلم était le plus généreux des hommes, le plus généreux. Ça c'est l'état de Nabi Salim chaque jour, indépendamment de Ramadan ou pas Ramadan. Chaque jour Nabi Salim était le plus généreux des hommes. Vous savez, le plus généreux, j'ai dit qu'il y avait quelqu'un un jour qui était venu demander Mohamed donne-moi, il lui donne, le prophète Salim, il lui donne des moutons. Combien de moutons lui donne-t-il? Il lui en donne tellement, tellement, que ça a arrivé à remplir la plaine qu'il y a entre deux montagnes. Combien de têtes? Je pose la question, combien de têtes de moutons peut-il, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, avoir donné pour que ça remplisse une plaine entre deux montagnes? L'autre, il est entré en islam tout de suite. C'est pas normal ce genre de don, cette générosité, c'est pas normal. C'est pas humain, cette générosité. Et puis il est parti voir sa tribu, il leur a dit, je suis revenu de chez quelqu'un qui donne des dons. Il n'a pas peur d'être appauvri, il n'a pas peur de tomber dans la pauvreté. C'est pas normal de donner comme ça. Ça, c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lui, l'histoire que raconte Abu Huraira radiallahu anhu. Abu Huraira radiallahu anhu, c'est un hadith dans le Bukhari et Muslim. Il raconte que parfois il avait faim. Vous savez, les compagnons, radiallahu anhum, c'était pas la gaieté, ce n'était pas l'aisance. Ce n'est qu'après qu'est venue cette aisance. Mais dans le début, il n'avait même pas de quoi remplir le ventre. Vous savez, Abu Huraira, radiallahu anhum, ce n'était ni un Médinois, ni un Mekite. Il n'avait ni terre à faire, ni à travailler, ni commerce, ni rien. C'était quelqu'un qui vivait dans la mosquée, dans un lieu qu'on appelait Sofa, le derrière de la mosquée. Sofa, c'est un lieu où venaient les gens qui n'avaient ni maison, ni travail, ni commerce, ni rien. Alors quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il recevait une aumône, et il leur a donné, il l'a donné à ces gens-là de Sofa, parce que l'aumône pour lui, lui était interdite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni à lui, ni au sien. Et quand il recevait une hadiya, un cadeau, il les appelait, et il prenait aussi avec eux quelque chose. Mais ce n'est pas toujours le cadeau, ce n'est pas toujours le monde. Tout le monde est dans cet appauvrissement. Donc un jour, Abu Huraira, il a tellement faim. Il a tellement faim. Vous savez, il arrivait à des crises de faim. Il tombait par terre. Ceux qui passaient, ils voyaient Abu Huraira, ils pensaient qu'il était en prise à une crise de djinn, Sarah. Et lui, et jusqu'à ce qu'ils mettaient leurs pieds sur son cou à lui. Il pensait qu'il y avait un djinn dans lui, et pourtant lui, il disait que je n'avais rien du tout, je n'avais que la faim. Un jour, il dit, je me suis mis sur leur chemin pour qu'ils... Il y avait beaucoup faim, il y avait... Et il s'est mis sur leur chemin pour qu'ils le voient et qu'ils comprennent ce qu'il a fait et qu'ils lui disent, viens manger. Alors il dit, Abu Bakr vient. Je lui pose une question sur une ayah. Il dit, c'est pas que je ne connaissais pas le sens de l'ayah, mais uniquement pour qu'il me dise, viens, on va parler de ça autour d'une table. Il a répondu, il a passé, il ne l'a pas fait. Puis est venu Omar, et passé Omar. Il dit encore à Borera, je lui ai posé la question sur une ayah, pas pour qu'il me réponde, juste pour qu'il me dise. Il n'a pas compris Omar. Il est passé, il n'a... Et puis Abu Huraira radiallahu anhu dit, et puis est passé Abu al-Qasim sallallahu alayhi wa sallam. Il a vu mon visage. Il a compris ce qui se passait. Il m'a dit, Abu Huraira, je lui dis, labbayka ya Rasulallah. Oui, ya Rasulallah. Il me dit, suis-moi. Il est parti, est entré dans sa maison sallallahu alayhi wa sallam. Et puis il a demandé, est-ce que vous avez quelque chose? Ils ont répondu, juste un peu de lait, de chamel, juste un peu de lait. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Abu Huraira, il lui dit à Abu Huraira, labbayk ya Rasulallah. Labbayk, c'est une forme de dire oui, mais un oui express, un oui de quelqu'un qui court vers toi, pas uniquement de quelqu'un qui te dit oui comme ça. Labbayk ya Rasulallah. Il lui dit, appelle-moi les gens de Sofa. Abu Huraira, il est en colère. C'est un tourbillon qui se passe dans... C'est déjà pour moi uniquement, c'est pas possible. J'ai trop faim. Donc même si je mangeais le verre avec, j'aurais toujours faim. À plus forte raison si je le partage avec les gens de la Sofa. Et ce n'est pas la fin des soucis d'Abu Huraira. Il y a un autre souci encore plus grave pour lui, parce qu'il se dit, si quand les gens de la Sofa viendront, le prophète sallam me donnera l'autre, m'ordonnera de leur donner à boire, donc je serai le dernier à boire, qu'est-ce qui restera? Donc tout ça il réfléchit, mais tout ça il dit à la fin, cette réflexion tourbillonnante, il dit, mais il n'y avait pas d'autre alternative que d'obéir au prophète sallam. Il dit ça, ben on fait et puis c'est tout. Même si je me dis, voilà, non mais le prophète m'a ordonné, ben il faut se soumettre. Il part, il appelle les gens de la Sofa, ils étaient nombreux, ils arrivent tous, ils entrent, ils prennent place dans la pièce du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne à Abu Huraira. Vous savez, Abu Huraira, il a très bien compris la chose, et la chose s'est passée comme il se l'est dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, donne-leur à boire. Alors il donnait le verre au premier, il buvait jusqu'à ce qu'il n'en pouvait plus. Et il retournait le verre à Abu Huraira. Et là, Abu Huraira le passait au second, et au troisième, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils aient tous bu. Et puis, il reprend le verre, il revient vers le prophète sallam. Le prophète sallam prend le verre, il le met sur sa main, il dit, Abu Huraira, Abu Huraira dit, labbaik ya Rasulallah. Et le prophète sallam dit, il ne reste plus que toi et moi. Abu Huraira dit, na'am ya Rasulallah. Alors le prophète sallam lui tend le bol, lui dit, bois. Alors il boit, puis il redonne le prophète sallam. Le prophète lui dit, bois. Il boit encore, puis il redonne. Le prophète sallam lui dit, bois. Et il a répété tellement de fois jusqu'à ce qu'Abu Huraira dise, en jurant, Wallah, walladhi ba'athaka bilhaq, ma ajidu lahu maslakan. Je suis rempli, je ne trouve aucune issue pour mettre une goutte. Alors le prophète lui dit, donne-moi. Et puis il dit, Bismillah, et il boit le reste, et il dit, Alhamdulillah. Ça, c'est le prophète. C'est la générosité du prophète. Vous savez, Aïcha a dit une phrase en or. Elle a dit, Innama antum min nabiyikum wa nabiyukum minkum. Vous êtes de votre prophète est de vous. Je lui explique qu'il ne faut pas s'éloigner de la conduite de votre prophète. Il en a aussi besoin qu'eux. Et pourtant, le dernier à boire. Et ça, c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant tous les jours. Maintenant, quand venait Ramadan, c'était une autre histoire. Ibn Abbas dit, radiallahu anhuma, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des hommes. Et il était encore plus généreux pendant Ramadan quand Jibril venait et lisait avec lui le Coran. Et Jibril venait chaque soir. Moi, je pose la question. Pourquoi Jibril venait chaque soir pendant Ramadan? Il ne faisait pas la même chose pendant Shawwal, Dhulqa'dah, Dhulhijjah, etc. Uniquement pendant Ramadan. Pourquoi? Vous savez, c'est la chose qu'ont compris Malik, Zuhri et les autres, et que nous ne comprenons pas. Ils ont compris que Allah subhanahu wa ta'ala avait choisi ce mois de Ramadan pour deux choses. Pour le Siyam et pour le Coran. Pourquoi l'islam a-t-il fait en sorte qu'il y ait Tarawih pendant Ramadan? Pourquoi? Qiyam al-Layl, Tarawih, c'est un Qiyam al-Layl, non? Et Qiyam al-Layl, ce n'est pas spécifique à Ramadan. Qiyam al-Layl est bon pour toute l'année, pour toute la vie. Mais pourquoi Ramadan, Tarawih, tout le monde dans les mosquées, pourquoi? C'est pour écouter le Coran. C'est pour entendre. C'est pourquoi les ulama disent il est préférable que le Coran soit terminé pendant Tarawih. Pour que tous les musulmans entendent le Coran en entier. Donc, ça nous donne déjà une chose à comprendre. Que Ramadan sans Coran est un Ramadan qui boite. C'est un Ramadan boiteux. Ce n'est pas un Ramadan droit. Ramadan, c'est ces deux choses-là. C'est le Siyam et le Coran. ولهذا نفهم هذا الذي كان يفعله مالك والزهري وصفوان بن سليم والناس أجمعون. ثم هذا القرآن أنا قبل بعد صلاة الظهر حضرت قليلا في مسابقة القرآن التي نظمها المسجد. هذا تعلمون أنتم من أحواج الناس إلى مثل هذا. هل تعلمون أن كل جوف لا قرآن فيه هو مقبرة وليس جوفا؟ مقبرة، جوف خريب، جوف لا قرآن فيه. عجبت لمن يعيش 60 عاما كيف لا يحفظ 60 حزبا. عجبت لمن شاب عارضاه في الإسلام كيف يصرف عن القرآن، كيف يصرف عنه؟ هل تظنون أن لكم قيمة وأن الناس تباليكم باله وأنتم لا تأبهون بكتاب الله وتتخذونه ظهريا؟ أهل البوادي عندنا في المغرب يضربون مثلا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. القرآن هذا الميسر للذكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر، ومع ذلك هو شديد التفلت. يقول أهل البوادي عندنا يمثلون هذا الحديث، يقولون القرآن مثله مثل رجل ضيف عندك في البيت، لكن هذا الضيف شديد الأنفة، شديد الأنفة، بلغته تحت إبطه، وواقف عند الباب، ما دمت تنظر إليه هو واقف، إذا التفت عنه خرج من الباب. تيرضاش لأنه ما حدك أنت مرحب به وتتشوف فيه وكذا وحدك، غير تلفت عليه معني تاقي علاش تلفت عليا وانا ضيف عندك، ما بغيتينيش في البلاصه تيخرج. هكذا يقول القران، فهكذا ينبغي ان تعاملوا، هكذا ينبغي ان يعامله كل مسلم في مشارق الارض ومغاربها، وانتم احواج. مازال حنا تشعل التلفزيون تقدر تسمعوا، تكون في الجامع تسمعوا، تكون دايس في الزنقه تسمعوا شي واحد طالق الحانوت طالق القران، هادشي كتسمعوا. انتم هنا الا ما سمعتوهش لرؤوسكم وسمعتوهش لولادكم غتنساوه، وأنتم تسمعون أشياء أخرى كثيرة. لو كان الكون صامتا لكان لا لكم ولا عليكم، فكيف وأنتم عليكم لا لكم؟ فعندما رأيت هذه المسابقة يعني جهد يشتغل الناس بالقرآن، هذا يراجع وهذا يحفظ وهذا مسابقة وهذا حزب سبيح وهذا جزء عمة وهذا كذا وهذا لوليدات الصغار، اشتغلوا بالقرآن، اشغلوا الناس بالقرآن. تعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم، أنا ما عقلتش دابا على الشيء اللي قلت بالعربية باش نترجموا اليوم للفرنساوية، علاش كنت نهضر؟ حيت شي أمور تجي بعض المرات ما تجي وصافي، تجي تمشي في بلاصة ما تتعقلش عليها. عقلتيش كنت نقول؟ أنت ما عقلتيش؟ ما غنلومكش انا اللي تنقولوا ما عقلش. جديك القران ابري صلاه الظهر جي اسيستي مي زعما ا ان كونكور دو ريسيتاسيون القران سوسي ايت اون شوز كي نو فو با كيل سوا جوست بوندون رمضان. Vous savez pourquoi? Parce que le Coran, pour les musulmans, c'est le bocal d'eau dans lequel il vit. S'il n'y a plus de Coran, il n'y a plus de vie. Vous savez, il y a un verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit une chose qui normalement devrait porter à réflexion. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit « Ya ayyuha alladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum » Aux ceux qui ont cru, répondez à l'appel d'Allah et à l'appel de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand ils vous font appel, idha da'akum, quand il vous fait appel, quand il vous appelle, à ce qui vous fait vivant, à ce qui vous rend vivant, à ce que... Vous êtes mort, ou est-ce que vous êtes vivant? Vous mangez, vous buvez, vous dormez, vous multipliez. C'est la preuve que vous êtes vivant. Une autre preuve que vous êtes vivant, c'est Allah Ta'ala appelle aux ceux qui ont cru. Est-ce qu'un mort peut être appelé? Ou l'appel, c'est spécifique aux vivants? Comment Allah Ta'ala peut-il appeler des vivants en leur disant répondez à l'appel de Allah et de son prophète quand il vous appelle à ce qui vous fait vivant? Ce qui vous rend vivant, ce qui vous ressuscite, tout ça, ce sont des traductions pour l'imayuhyikum. Nous, vous êtes, n'êtes-vous pas vivant? Non, vous n'êtes pas vivant. En dehors du Coran, vous n'êtes pas vivant. Vous bougez, oui, vous mangez, oui, mais vous n'êtes pas vivant. La preuve, c'est qu'encore Allah subhanahu wa ta'ala, quand il décrit le Coran, qu'est-ce qu'il dit? وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. سمى القرآن روح، معناه أن الذي لا يقبل على الروح حي أو ميت؟ ميت، ميت. تحتاج تحيا، استجيب للروح، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وش هو؟ هو هذا الروح. استجيب تحيا، لا تستجيب تميت. الله تعالى دي وكذلك أوحينا أنسيدو نو تافون غيفيلي un esprit de notre affaire, de notre, un esprit. Il a qualifié le Coran d'esprit. Qu'est-ce qui te fait bouger? Qu'est-ce qui te rend inerte? C'est quoi la différence entre un mort et un vivant? Deux cadavres. Sauf que l'un me fait bouger l'esprit qu'il y a dedans. Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié, l'a nommé le Coran d'esprit. Nous t'avons révélé un esprit. Et c'est vers cet esprit que l'appel est fait par Allah Ta'ala et par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si tu t'éloignes de l'esprit, tu es mort. Tu as beau bouger, tu me dis, ah regarde, je bouge, je suis vivant. Non, tu n'es pas vivant. Tu as répondu à l'appel. Sinon, tu n'es pas vivant. Donc ça, c'est le Coran. Ça, c'est la flamme de vie qu'il y a dans chaque musulman. كيف تترجمون الجوف؟ الفون في الحقيقة هما نسون كرو في الحقيقة زعما سيتون بون كاليفيكاسيون سيتون كرو سوف كو quand tu tapes, ça ne sonne pas creux, mais c'est creux. Là, vous savez que l'intérieur de chacun, c'est un intérieur délabré, c'est un intérieur cadavérique s'il n'y a pas le Coran dedans, s'il n'y a pas cette flamme de Coran qui fait embellir, qui fait... Et faites Allah yardi alaykoum wa jazakoum Allah khair, faites que vos intérieurs ne soient pas des intérieurs obscurs, ni les intérieurs de vos enfants. Regardez cette petite. Cette beauté que vous voyez, c'est la garder, la rendre vivante le plus longtemps possible, c'est le Coran. C'est le Coran. Les gens, je ne comprends pas ce qui se passe quand tu parles aux gens. Aux gens, les jeunes, les grands, les vieux, les vieilles, les jeunes, au féminin, au masculin. Tout le monde veut étudier l'ilm. Mais tout le monde, presque tout le monde, oublie que l'ilm commence par le Coran. Il y en a qui veulent apprendre l'aqida, il y en a qui veulent apprendre le hadith, il y en a qui veulent apprendre usul al-fiqh, il y en a qui veulent apprendre le Coran. Le Coran. Tu seras quoi comme musulman si le Coran, c'est la dernière chose vers laquelle tu te tournes. La dernière chose vers laquelle tu te tournes, c'est le Coran. Tu seras quoi? Tu n'as pas peur que tu sois l'objet d'une accusation qui est faite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam te montre du doigt, comme ça. Il parle de toi, devant Allah Ta'ala. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qawmi yattakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Et le prophète a dit, ya rabbi, ô mon Seigneur, les miens ont. Ont délaissé ce Qur'an. Tu n'as pas peur d'être l'objet de cette accusation, d'être parmi ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam montrera du doigt. Les miens, les miens. Normalement, les miens, les tiens, ya Rasulallah, ce sont eux les porteurs de la flamme, eux les porteurs de la parole d'Allah Ta'ala, eux les porteurs du Coran. Là, ce sont eux qui l'ont laissé. Comment tu ferais Allah Ta'ala devant toi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam te montre du doigt. Tu fais comment? Quelle excuse tu peux dire? Tu peux montrer Allah. Tu dis, j'avais pas le temps. Tu avais le temps pourquoi? Si tu n'avais pas le temps pour la parole d'Allah Ta'ala. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للخير والحمد لله رب العالمين. والأسئلة واخا هو مزيان تكون مكتوبة. إلا كنتوا الوقت باش تفرقوا شوية الأسئلة. Dans la possibilité de rajouter encore un quart d'heure, une vingtaine de minutes avec Cheikh, si vous auriez des questions à poser. Malheureusement, on a du retard, on va vous distribuer encore des papiers pour poser des questions écrites. Est-ce que vous manifestez une... Alors que celui qui a déjà écrit quelque chose, ouais, je peux lui prendre, sinon on vous distribue les papiers tout de suite pour faire vite. Moi, j'ai une tendance, j'ai une habitude, une phrase habituelle que je dis après chaque discours que je fais. Je dis que l'audience qui m'est la plus agréable, c'est l'audience qui ne me pose pas de questions. Est-ce que vous pouvez m'éclairer concernant la zakat sur les bijoux en or et en argent? Est-il obligatoire de sortir la zakat sur les bijoux que les femmes portent quotidiennement, et quel est le jugement concernant les bijoux qui ne sont jamais portés? Doit-on les considérer comme un placement d'argent? Avant de répondre, j'aimerais féliciter la personne qui a écrit cette question. C'est la première fois, la toute première fois que je reçois une question dans laquelle il n'y a pas de faute d'orthographe. Et ça, c'est un événement. En France, c'est un événement. Et je ne sais pas, le langage, des SMS ou des textos, déjà, l'orthographe, ce n'était pas la meilleure des choses. Où, encore, avec les textos, ça a empiré. Là, aucune faute d'orthographe. Tabarakallah alik. Mais il a dit Bismillah, donc je pense que c'est pour quelque chose, Bismillah en premier. Les bijoux, en or et en argent, il y a une très très grande divergence entre les ulama. Il y en a qui disent qu'il faut donner la zakat, et il y en a d'autres qui disent non, on n'a pas besoin de donner la zakat sur les bijoux, que nous ne gardons pas pour quelque chose de lucratif. Si c'est juste pour la femme, pour ses parures, etc. Donc, ça n'a pas besoin de zakat. Ce que je dis, moi, c'est donner la zakat. Faites-la. Pourquoi? Parce que même quand vous dites, moi, ces bijoux-là, ce n'est pas de l'épargne, ce n'est pas pour quelque chose de commercial, c'est juste ma femme, mes filles, etc. Combien de personnes ont dit la même chose, mais un jour il y a un terrain à acheter, il y a une maison à bâtir, il y a quelque chose, et puis la femme vend ses bijoux pour aider son mari, et donc quand elle vend, il y a des bénéfices, etc. Donc pour sortir de cette divergence qui est vraiment très très longue part et d'autre, je conseille que la zaka soit sortie indépendamment. Ils sont portés, ils ne sont pas portés, ils sont gardés pour épargner, pour sortir la zaka pour ça. Allahu a'lam. Finalement, quelle est la traduction du mot kalam? C'est une question. Je ne sais pas. À vous de me dire. Vous savez, vous posez des problèmes. Il y en a qui posent des questions. Des questions à problème. Des questions épineuses. Et moi, je suis sûr que celui qui a posé la question et que je lui réponds, il ne fera pas ce que je lui ai dit. Pourquoi tu te mets dans l'embarras? Je ne veux pas lire la question, mais c'est une question qui est épineuse pour celui-même qui l'a posée. Et il ne va pas faire ce qu'on va lui dire de faire. Pourquoi tu la poses? Vous êtes curieux de savoir c'est quoi la question? Beaucoup de jeunes disent que l'aqid al-ash'ariya est du kufr. Beaucoup de gens disent n'importe quoi. Jeune ou pas jeune. Vous savez, dans chaque chose dans laquelle il y a eu un travail humain, un travail de compréhension humaine, il y a du vrai, il y a du faux. Dans chaque chose, nous avons du vrai et du faux dans l'aqida. Nous avons du vrai et du faux dans le hadith. Nous avons du vrai et du faux dans le fiqh. Nous avons du vrai et du faux dans l'usul. Nous avons du vrai et du faux dans le nahou. Nous avons du vrai et du faux partout. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours l'interprétation des textes. Et ne soyez pas, je dirais, élémentaire dans vos réflexions. Quelqu'un me dirait, non, il n'y a pas du vrai et du faux dans l'aqida, puisque il n'y a pas du vrai et du faux quand nous comprenons comme un salaf a compris. Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais si le salaf a compris la chose de la même manière, il y a parmi les salaf des choses dans lesquelles il y a divergence. Et pas uniquement dans le fiqh, aussi dans l'aqida. Mais c'est quoi l'aqida? Avant de dire déjà, il n'y a aucun savant dans le monde, un savant, qui a dit que l'aqida al-ash'ariya kufr. Comme ça, kufr. Moi, je n'ai pas entendu de jeunes, d'ailleurs, qui disent que l'aqida al-ash'ariya est un kufr. Est-ce que tout ce qu'il y a dans l'aqida al-ash'ariya est juste, est vrai? Non. Pourquoi? Parce que c'est une réflexion. Il y a des textes et il y a l'interprétation des textes. Mais est-ce que toute l'aqida al-ash'ariya est fausse? Et personne ne le dit. D'abord, vous savez ce qui se passe? C'est qu'on devient royaliste plus que le roi. Charlie Chaplin, vous connaissez Charlie Chaplin? Il a eu un concours pour imiter sa manière de marcher. Et Charlie Chaplin, il était parmi les concurrents, mais déguisé. Il était troisième. Tu trouves des savants qui disent qu'il y a ça dans l'aqida charia qui n'est pas vrai, qui est faux. Mais tu trouves quelqu'un qui n'est pas savant, entendre ce savant dire ça, il te dit, lui, il est encore plus généreux. Il va encore en avant, il te dit, non, c'est tout est faux dans l'acharia. C'est pas possible. Il n'y a personne qui dit ça. Et encore, il n'y a personne qui dit que tout dans l'acharia, ça peut-être que vous trouverez qui le disent. Et ce n'est pas vrai. Tout dans l'acharia est juste. Non. Mais ce n'est pas uniquement le cas de l'acharia. C'est le cas de vous savez, quand vous lisez les livres de l'aqaïd, soit que ce soit l'aqaïd al-hadith, ou l'aqaïd al-ash'ariya, ou l'aqaïd qui que ce soit, vous trouverez toujours des choses que d'autres diront, ça c'est faux. Mais maintenant, moi, je veux poser une question. C'est quoi l'aqida al-ash'ariya? Qu'est-ce que l'aqida? Soit pour ceux qui la défendent, c'est une question que je pose à tout le monde, pour ceux qui la défendent, pour ceux qui la dénigrent. C'est quoi l'aqida al-ash'ariya? C'est quoi? Qu'est-ce que dit l'aqida? Qu'est-ce qu'il dit cette aqida al-ash'ariya? Vous savez, le malheur, c'est quoi? C'est que beaucoup de gens qui parlent, soit pour la défendre, soit pour la dénigrer, ils ne savent même pas ce que c'est que l'aqida al-ash'ariya. Ce sont des titres. Ceux qui la défendent, ils la défendent comme titre. Ceux qui la dénigrent, ils la dénigrent comme titre. Parfois, vous trouvez, non, ils disent ta'wil, ta'wil sifat. Qu'est-ce que ça veut dire ta'wil sifat? Est-ce que tu penses que tout ta'wil est mauvais? J'aimerais bien qu'on me dise, oui, tout ta'wil est mauvais. Ou alors me dire, dites-moi, aucun ta'wil est. Et ni l'un ni l'autre n'est dans le vrai. Ni l'un ni l'autre. Alors c'est quoi l'aqida al-ash'ariya? Tu veux savoir quelque chose? Tu veux comprendre quelque chose? Par exemple, tu veux comprendre c'est quoi le madhhab maliki? Tu le vois dans les livres des malikites. Tu ne vois pas le madhhab maliki dans les livres des Shafi'i, des Hanbali, des Hanafi. Non. Vous savez, ceci nous le disons à des gens, maintenant, ceux qui préparent des thèses de doctorat, etc. Quand il vient quelqu'un, il te montre dans sa thèse quelque chose que les malikites disent, et puis le renvoie, il te dit, ceci est un livre d'où il a tiré ce qu'il prétend. Il le tire d'un livre de quelqu'un de très grand, je ne dis pas d'un grand savant, mais qui n'est pas malikite. On n'accepte pas. Pourquoi on n'accepte pas? Parce que ce savant est un menteur? Non. Mais parce que ça, c'est une aberration que de vouloir comprendre ce qui se passe chez des gens, mais et pourtant chez ces gens-là sont là, sont existants, leurs livres sont là, et toi tu vas vers les autres pour leur demander ce qu'ils font eux. Et nous avons trouvé, des gens disent que les malikites disent ça, et nous ne le disons pas. Comme parfois nous trouvons, les hanafites disent que les malikites disent ça sur nous, nous ne l'avons pas. Et pourtant, ce n'est pas n'importe qui dit. Ce sont toujours des grands savants qui disent. Ça, c'est une erreur. Tu veux savoir ce que ces gens-là pensent? Tu vois chez eux. Est-ce que leurs livres sont là? Ben, lis leurs livres. Tu as peur de lire leurs livres? Ben, tu ne dis pas, ils disent ça. Tu ne veux pas lire leurs livres? Tu ne lis pas leurs livres. Mais tu ne leur... Dis au moins, j'ai entendu le savant tel dire ça. Mais tu ne dis pas, eux, ils ont ça. Et ça, ce que je suis en train de vous dire là maintenant, je ne le dis pas, je le dis partout, devant n'importe quelle audience. Vous voulez comprendre? J'étais en Arabie Saoudite il n'y a pas longtemps. On m'a posé la question sur le tasawuf. Vous savez, c'est les gens, c'est c'est pas la question que j'ai dit, des questions épineuses. Là, ça, c'est pas épineux, ça, c'est quelque chose de... La question épineuse, c'est une autre question. On m'a posé la question sur Tassawuf, en Arabie Saoudite. Il y avait des Dakatira, il y avait des Qudat, il y avait du monde. Tassawuf. Je lui dis, et j'ai commencé à dire des versets à celui qui m'a posé la question. Je lui dis, écoute, et j'ai commencé à dire des choses. وأنت يا أخيتي استقيمي في البيت قري وبه أقيمي وعن سوى المحرم والحليل فاحتجبي خوفا من الجليل ولا تظن الطيران والنزول وخلع جلباب الحياة هو الوصول إن الحقيقة بلا شريعة زندقة بشيعة شنيعة خير الأمور سنة تتبع وشرهن المحدث المبتدع هذا والاستقامة احتاجت إلى علم فلا تصح ممن جهل إلى آخره. Et je dis, qu'est-ce que tu penses de ce que je dis là maintenant? Il me dit, c'est bien. Je dis, ça, c'est un nazm dans le tasawuf. C'est un nazm dans le tasawuf. Il me dit, c'est pas possible. Je lui dis, ça court les rues, c'est quelque chose de... Je ne suis pas en train d'inventer, tu peux même acheter le nazm. Donc, quand tu me dis tasawuf, je te dis, qu'est-ce que tu veux dire par tasawuf? Tu veux dire la science qui se focus sur les maladies du cœur. Vous savez, le hasad, le riya, tout ça, ce n'est pas le fiqh, ce n'est pas l'aqaïd, ce n'est pas le nahou, ce n'est pas... C'est une science. Tu l'appelles tasawuf, tu l'appelles akhlaq, tu l'appelles tizkiya, tu l'appelles soulouk. Je m'en fous de ce que tu l'appelles. Moi, je vois ce qu'il y a dedans. C'est ça que tu appelles par tasawuf. Je dis, il n'y a pas de problème. Tu dis tasawuf, c'est le qubur, c'est le dhabh li ghayrillah, c'est ça. Je te dis, là, non, ça, c'est pas bien. Même si tu l'appelles le hadith, tu appelles ça le hadith, je te dis que c'est pas bien. Donc ce n'est pas une question d'appellation, c'est une question de ce qu'il y a en dessous de l'appellation. Qu'est-ce que tu veux dire? Si c'était uniquement l'appellation, buvez du champagne. Ça ne s'appelle pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un maintenant qui appelle le khamr par le khamr? Personne. Sharab. Qui sharab, sharab. C'est pas un shrab. Kahwa, c'est pas un shrab. Alors tout le monde maintenant boit de l'alcool. Pourquoi? Parce que personne ne l'appelle khamr. C'est juste une affaire d'appellation. Donc c'est la même chose partout. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Et puis encore, Abul Hassan al-Ash'ari, c'est quoi sa aqida? Est-ce que c'est l'aqida qui a aqida Abul Hassan al-Ash'ari? C'est celle qui a dans l'Ibana, ou c'est celle qu'il a écrit dans Maqalat l'Islamiyin? C'est quoi? C'est là où il dit que je suis sur l'aqidah de l'imam Ahmed, ou sur l'aqidah qui était juste après qu'il est sorti de l'I'tizal? C'est quoi sa aqidah? Vous savez, ne prenez pas les choses à la légère. Ce sont des choses qui ne doivent pas être prises à la légère. Wa tabarakallah. لا ما غادي غادي يصلوني هذه العدد من الأسئلة في جلستي من الجلسة وكثير منها فقهي الحقيقة ولكن 27 هذه غادي نزيدوا شي حاجة قليلة لأنه أنا قلت لكم ما خصكمش تسولوني كون راه مشينا وأنتم دابا جالسين في الصهد وأنا فازق من الداخل une personne qui pour une raison valable manque un jour de jeûne obligatoire et le rattrape après Ramadan, sera-t-elle autant récompensée ou la récompense de son jeûne sera-t-elle diminuée? Non, si c'est pour une raison valable, le jour qu'elle est en train de rattraper, c'est un jour de Ramadan. تكلمتم كثيرا قال في حلقة تلفزيونية تكلمتم كثيرا عن صلاة الضحى وفي آخر حلقة قلتم إنه يقال كذلك إنها بدعة أريد شرح هذا. نعم الأقوال في صلاة الضحى كثيرة ومن هذه الأقوال أنها بدعة, هذا قول من الأقوال. وهؤلاء الذين يقولون صلاة الضحى بدعة اعتمدوا على ما قالت عائشة رضي الله عنها أنها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا يصلي صلاة الضحى فقالوا هي بدعة, وهذا خلاف, هذا خلاف. ابنه. هذا جاء ابنه. قال أنا أب لثمانية أطفال، أطلب منك يا شيخ أن تدعو لنا بأن يصلح الله هؤلاء الأبناء. أمين سيدي، أمين، أسأل الله تعالى أن يصلح أبنائك ويصلح أبناء المسلمين، لكن يجب أن تعمل أيضا لتصلح لصلاح أبنائك. القضية يا عباد الله ليست قضية دعاء فقط، يعني الإنسان جالس دعي لي مع أولادي، دعي لي وفين ما يجي شي واحد، دعي لي الفقيه مع أولادي، دعي لي مع أولادي، وانت أخويا اش تدير؟ أنا تندعي لك مع أولادك، وانت اش تدير لهاد أولادك باش يكونوا مزيانين؟ أنا راه بغيت أولادي يحفظوا لي القرآن سيدي، دعي لي مع أولادي يحفظوا لي القرآن، واش تدير أنت باش يحفظوا لك هاد أولادك القرآن؟ يعني عملك أنت محصور في أنني ندعي معاهم، هذا هو عملك باش يحفظوا لك القرآن. قال لي زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا، أبشر بطول سلامة يا مربع، دابا يحفظوا لك الولاد القرآن. لما تدير والو أنت باش يحفظوا لك الولاد القرآن، ونجي عندك دعي معايا نحفظ القرآن، دعي معايا نحفظ القرآن، دعي معايا نحفظ القرآن، صافي. إيوا راه بغيت تحفظ القرآن خصك تجي تحفظه، وندعي معاك الله يسهل عليك تحفظ القرآن. تدرون المالكية عندنا واحد التشدد عظيم حنا في مسألة القرآن. سحنون رحمه الله هذا من كبار علماء المالكية من الأولين، أخبر بأن رجلا له سبعة من الأولاد ولم يدخل أحدا منهم الكتاب، ما دخل حتى واحد الجامع يحفظ القرآن، فأفتى بأن يحبس، بأن يدخل السجن، خصو يمشي للحبس. كيفاش أنت عندك سبعة ديال الدراري شحال دابا واحد فيكم خصو يمشي للحبس؟ كلكم إيوا خصكم خص القضية تتخذ بعين بالجد بالجد. لما تتقول لي quand tu me dis moi j'amène mon petit le mercredi après-midi le samedi matin pour et comme ça je veux qu'il apprenne le Coran, estime-toi heureux s'il apprend le Fatiha avec deux après-midi par semaine et tu penses qu'il apprendra le Coran? Tu as ouvert le Coran, tu as vu le Coran, tu as vu deux après-midi, il te faut 950 ans. ألف سنة إلا 50 عام بغيابك القرآن. لا واش tu es sérieux quand tu me dis kada avec le mercredi après-midi, tu es sérieux, tu n'es pas sérieux, tu veux que je te dise ce que tu dois faire pour qu'il apprenne le Coran, tu dois l'emmener chaque jour. Tu me dis non mais il a l'école, je dis après l'école. C'est beaucoup pour lui. Et ouais, tu veux beaucoup aussi. Le Coran, c'est beaucoup. Les Français disent à la guerre comme à la guerre. Hein. Aux gros mots, il faut les grands moyens. Sauf que le Coran n'est pas un mal. Donc il faut les grands moyens. Pour les grandes choses, il faut les grands moyens. Toi, tu veux les grandes choses, mais avec Daïm Aya. Daïm Aya. Et ouais. الله يسهل عليك. انا ما كرهتكش انا، مي جامي نو نافون لو دون اون بيوغرافي او دون ان زعما دون كوا كو سوا او كو سوا كو كيلكان اي لي سي تاندورمي لو سوار il n'avait pas le Coran par cœur, il s'est réveillé le matin, il l'avait par cœur. C'est du jamais vu. Si ça se fait maintenant chez vous, c'est une première, comme celui qui n'a pas fait l'orthographe de والله اعلم والحمد لله رب العالمين. لا دخليهم عندك تنجي مره اخرى ان شاء الله. نعم موعدنا مع الشيخ 4 اكتوبر اخر اسبوع من 4 اكتوبر، ربما الشيخ لا مازال فرصه لنا معكم. فاذا ليس عهدنا به ان شاء الله سيتجدد، و طبعا ان شاء الله بالنسبه لل المداخلة في المساء يقول الناس تأتي لصلاة التراويح ولا تأتي لسماع الدروس ولا يريد أن يثقل على الناس، فجزاه الله خيرا، نحن أثقلنا عليه في هذه الأيام الحارة، نسأل الله عز وجل أن يكتب ذلك في ميزان حسناته وأن يوفقه الله عز وجل. وأن يوفقنا جميعا وجزاكم الله خيرا على صبركم وبارك فيكم. وكما قلت غدا يستمر البرنامج مع الدكتور عبد القادر بيطار أستاذ العقيدة والفكر الإسلامي بجامعة محمد الأول بوجدة. Demain, le programme continue avec le professeur Abdelkader Bitar, qui est professeur.